22e chapitre. Rentrée d'Alexis. Vous avez déjà deviné ce que je fis, n'est-ce pas? J'allais trouver au ministère de la guerre mon bon et cher ami Charras. Je le priai d'appuyer ma demande auprès du colonel, à qui j'écrivis à l'instant même sur du papier du ministère, dans lequel j'introduisis un bon de 50 francs destiné, partie à être bu à ma santé, partie à faciliter le voyage. Puis j'attendis avec le calme du juste. 6 semaines après, je vis apparaître Alexis. « Eh bien, lui dis-je, te voilà donc. »« Oui, monsieur. »« Décidé à rentrer à mon service pour la nourriture, le logement et l'habit ?»« Oui, monsieur. » »« Et tu ne me demanderas jamais un sou ?»« Non, monsieur. » »« Je te reprends à ces conditions. » « Ah, je savais bien que monsieur me reprendrait !» s'écria Alexis tout joyeux. « Un instant, mon garçon, ne te figure pas que je te reprends parce que tu me manques. Tu te tromperais énormément, Alexis. Je sais que monsieur me reprend par bonté, voilà tout. Bravo, qu'as-tu appris là-bas ? À faire de la cire à giberne, à astiquer les buffleteries et à tenir les fusils propres. Si monsieur veut me confier ses fusils, il verra. Je te confierai mieux que cela, Alexis. Je te confierai ma personne. Comment ? Je vais rentrer chez monsieur comme valet de chambre ? Oui, Alexis, attendu qu'il y a peut-être encore des valets de chambre. Mais je n'en ai plus, moi. Mets-toi à la recherche de ton ancienne livrée et reprends ton service. Où peut-elle être, monsieur, mon ancienne livrée ? Oh, je n'en sais rien. « Cherche, mon garçon, cherche. C'est comme l'adresse d'allié. Il n'y a que l'Évangile, toujours, qui puisse te donner de l'espoir là-dessus. » Alexis sortit pour se mettre à la recherche de son ancienne livrée. Il rentra, la tenant à la main. « Monsieur, dit-il, d'abord allez manger des vers. Et puis, je ne peux plus entrer dedans. »« Diable, Alexis, que faire ?» « Est-ce que monsieur n'a pas toujours son même tailleur ?» demanda Alexis. « Non, il est mort, et je ne lui ai pas encore donné de successeur. »« Diable, comme dit monsieur, que faire ? Va demander à mon fils l'adresse de son tailleur, et cherche dans ma garde-robe quelque chose à ta guise. »« Merci, monsieur. » »« En attendant, serre-moi en tourlourou, mon garçon. Seulement... « Débarrasse-toi de cette espèce de carquois en fer blanc que tu portes sur l'épaule, ou laisse-en sortir les flèches, au moins, afin qu'on te prenne pour l'amour. »« Ce ne sont point des flèches qu'il y a dedans, monsieur. C'est mon congé. »« Eh bien, débarrasse-toi de ton congé. 3 ou 4 jours après, je vis entrer une espèce de fashionable en pantalon vert chou, à carreaux gris, avec une redingote noire, un gilet de piqué blanc, une cravate de batiste. Le tout était surmonté de la tête d'Alexis. J'eus quelque peine à le reconnaître. « Qu'est-ce que cela ? » demandai-je. « C'est moi, monsieur. »« Mais tu es donc entretenu par une princesse russe ?»« Non, monsieur. D'où te vient tout cela ?»« Dame, monsieur m'a dit, cherche dans ma garde-robe quelque chose à ta guise. »« Et tu as cherché ?»« Oui, monsieur. »« Et tu as trouvé ?» « Oui, monsieur. Approche donc. Me voilà, monsieur. »« Mais Dieu me pardonne, c'est mon pantalon neuf, Alexis. »« Oui, monsieur. »« Mais le diable m'emporte, c'est ma redingote neuve, Alexis. »« Oui, monsieur. »« Ah, ça ? Mais tu as donc le diable au corps ?»« Pourquoi cela, monsieur ? Comment ? Tu me prends tout ce que j'ai de mieux ? Eh bien, mais... et moi ?» « Dame, j'ai pensé que, comme monsieur travaille du matin jusqu'au soir, oui, que comme monsieur ne sort jamais, non, il ne tiendrait pas à être bien mis, voyez-vous. Tandis que moi, qui cours la ville, bon, qui fais toutes ses commissions, après, qui vais chez les femmes, faquin, monsieur tiendrait à ce que je fusse bien mis. Un imparfait du subjonctif. Il ne te manquait plus que cela. Mettez-lui vos croix tout de suite, monsieur, dit Michel en entrant. Ça fait qu'on le prendra pour le fils de sa majesté, Faustin Ier, et tout sera dit. Et en attendant, je n'ai plus de pantalon ni de redingote, moi. Si fait, monsieur, dit Alexis, vous avez les vieux. Alexis avait tout à fait raison. Il y a tant de gens en ce monde qui m'ont pris mes hardes neuves et qui ne m'ont même pas laissé les vieilles.